Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de quatre malentendus nietzschéens. Aujourd'hui, premier épisode, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Ce n'est pas l'hésitation, l'incertitude, l'indécision qui conduisent à la folie, c'est de trop savoir ou de trop croire qu'on sait, d'être sûr de savoir au point de ne plus douter du tout. Bref, comme le dit Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. D'ailleurs, cette phrase est de lui, mot pour mot, et c'est loin d'être la seule à susciter autant de malentendus. En voici quelques exemples. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Peut-être. C'est une réponse simple. Je n'ai jamais voulu être une icône, mais le peuple ne peut pas s'en passer. Dieu est mort. Hérétique ! Dieu demeure mort. Il faut brûler cette personne. Et nous l'avons tué. Au bûcher ! Tout est permis ! Tout est permis ! Non mais, sérieux. Au bûcher ! Dev perso, c'est réel, ça marche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai peur que quelque chose soit en train de se préparer. Deviens qui tu es. Waouh, préparez les pop-corns, on se croirait au cinéma. Quand Nicolas Berger prépare une ouverture pour une semaine sur Nietzsche, il ne fait pas dans la demi-mesure. Bonjour Dorian Astor. Bonjour Adèle. Le programme est lancé, vous avez entendu les quatre phrases de cette semaine. Deviens ce que tu es, ce qui ne tue pas rend plus fort, Dieu est mort. Et aujourd'hui, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. C'est la phrase que vous avez proposée quand on vous a invité pour cette semaine. Absolument, elle m'importe beaucoup. Ouais. Vous pouvez nous dire, commencer à nous dire pourquoi? Parce que la philosophie a toujours prétendu être en quête de la vérité et que la philosophie, notamment depuis Descartes, a cherché une première certitude. Et que c'est toujours à partir d'une première certitude qu'on pense pouvoir édifier et un savoir et une sagesse. Or, il se trouve que la certitude est sans doute la chose la plus dangereuse pour l'esprit. Mais voilà, ça, il faut suivre le parcours nietzschéen et essayer de débrouiller cette chose étrange de la part d'un philosophe, d'exprimer une très grande méfiance pour la certitude. Et plus profondément, j'imagine qu'on y reviendra, pour la volonté de certitude et la volonté de vérité. Oui, c'est le programme de l'heure qui nous attend, Dorian Astor, mais juste avant qu'on commence à le déplier ensemble, j'entends quand même quelque chose dans ce que vous dites qui est un présupposé très fort. Par rapport à l'idée même que l'on se fait de la philosophie, ça veut dire que la philosophie pour Nietzsche n'est pas une affaire de certitude, c'est pas une affaire de vérité? C'est une affaire de désir de vérité, de besoin de vérité. La grande question que pose Nietzsche et qu'il posera, qu'il analysera de manière très, très profonde dans la première section de Par-delà bien et mal, des préjugés des philosophes, le titre parle de soi, Nietzsche aura toujours à cœur d'interroger ce qui n'est pas interrogé par les philosophes dans leur démarche. Et la métaphysique a toujours eu soin de rechercher des principes premiers sans au fond, se poser la question des premiers principes qui les poussaient à chercher et établir des principes premiers. Mmh. Voilà, donc il y a une espèce de soupçon fondamental qu'on appellerait aujourd'hui l'impensé des philosophes. Voilà, ce à quoi ils ne pensent pas en pensant. Voilà. Donc ça c'est la démarche critique de Nietzsche. C'est ça qu'on va déplier. Mmh. Ensuite, il y a une autre dimension qui est plus mystérieuse, ce lien à la folie, quand on regarde l'origine de la philosophie grecque, et notamment ce qui se passe à Delphes, avec la pythie et la dimension oraculaire du savoir. Souvenons-nous qu'au temple de Delphes, il y a ces deux préceptes, connais-toi toi-même et rien de trop, qui sont les départs de la philosophie grecque, et qu'au fond, la pythie et le savoir apollinien, le savoir oraculaire, se donnent dans la transe et dans un accès de folie. Et cette chose-là, au fond, cette mantique, Nietzsche la travaillera, la sondera dès sa première œuvre, La naissance de la tragédie, avec cette notion de dionysiaque. Et que fait à l'homme la contemplation de l'abîme, de la vérité nue, une fois le voile de l'illusion levé. Et on verra que Nietzsche remettra en cause cette partition entre le fond des choses, le fond de l'être, hein, l'être en soi, et le monde des apparences et des illusions. Mais dans cette phrase, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou, qui est extraite de Ecce Homo, donc un texte très tardif. Juste avant, Nietzsche pose la question « Comprend-on Hamlet ?» Et Nietzsche ne développe pas vraiment dans ce texte de Ecce Homo, et il faut remonter à La naissance de la tragédie, donc 15 ans plus tôt. Le premier texte de Nietzsche. Le premier texte publié de Nietzsche, où Nietzsche est encore dans cette recherche de révélation, j'allais dire quasi mystique, du fond des choses, hein, des mers de l'être, comme il le disait, c'est-à-dire du dionysiaque, par-delà le voile de l'illusion. Et au fond, Nietzsche dit, à propos de Hamlet, ce qu'apprend Hamlet, ce que c'est Hamlet, ce qu'a révélé le spectre à Hamlet de ce qui s'est passé, paralyse Hamlet et le conduit à l'inaction, à l'impossibilité d'agir. Et qu'au fond, un savoir trop sûr, comme dit Nietzsche ailleurs, ne permet pas d'engager l'action, qui est toujours un risque, qui est toujours motivé par un moment d'oubli, d'aveuglement. Mmh. Voilà, donc. Alors, on va venir à Hamlet dans un instant. On va aussi parler de Dostoïevski, beaucoup de Nietzsche, évidemment. On finira l'émission en transe, vous l'avez annoncé, Dorian Astor. Avant cela, pour vraiment bien mesurer le sens de cette expression que nous commentons aujourd'hui, voici un extrait de Working Girl. Tess, veux-tu m'épouser ? Peut-être. C'est une réponse, ça ? Si tu veux une autre réponse, demande à une autre. Il nous a roulé dans la merde, t'es contente? C'est toi qui as tenu à te mettre dans cette galère, Mi. Tu voulais que je mente devant ces gens, que je réponde n'importe quoi, juste pour satisfaire ton orgueil? Je croyais que tu serais heureuse d'avoir cette demande en mariage. Il y a 3 jours, je te trouve au pieu avec Dorine. Et parce que je prends un verre dans une soirée, boum, tu exiges que je m'engage pour le reste de ma vie? Entendu, d'accord. On est seul cette fois, sans témoin. Veux-tu m'épouser ou quoi? Écoute, Mick, on doit vraiment décider de ça maintenant. J'ai envie de savoir où je vais dans la vie. Et même si ça t'ennuie, j'attends de toi une réponse, ça se comprend? Je t'ai dit peut-être. Peut-être, c'est que dalle. Tu me fais chier avec ton peut-être. Réponds-moi maintenant! S'il te plaît, arrête de crier après moi. Tu crois peut-être que je suis sourde? Non, excuse-moi, j'y pensais plus. Madame est devenue cadre. Mais quel est le con qui t'a transformé en Grace Kelly? Je suis pas ta chienne. Alors tu arrêtes de me parler comme ça. Non, alors là, je comprends rien à ce que tu me racontes. On se retrouvera quand tu auras décidé quelque chose. Moi, je me barre en attendant. La philosophie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'aidait pas à éclairer des situations absolument concrètes, et surtout celle de Nietzsche, qui vise dans chacun de ses aphorismes, tout au long de sa vie et de son travail, à bien identifier des mécanismes qui sont en jeu vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de notre rapport à l'existence en général. Ici, à une demande en mariage, la réponse « peut-être » et la réponse absolument inaudible d'Orian Astor, c'est exactement l'exemple qui prend le contre-pied de la phrase de Nietzsche. Là, c'est l'incertitude qui rend fou. Quand la personne que l'on demande en mariage répond peut-être, eh bien oui, ça rend fou, on s'attend à un oui, ou même peut-être à un non. Le peut-être est insoutenable. C'est de cette intuition-là que part Nietzsche pour ensuite la contrer, montrer qu'en fait non, c'est plutôt la certitude qui rend fou. Absolument, il y a une dialectique là-dedans. Alors c'est amusant parce que je crois que c'est dans le Gai Savoir, mais Nietzsche parle des dangereux peut-être qui constituent au fond le moteur de la recherche philosophique de l'esprit libre ou du philosophe de l'avenir, comme il l'appellera. Précisément parce que l'incertitude ou l'absence de réponse rend fou. L'animal humain met en place toute une série de rassurements, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut absolument combler cette ignorance, cette incertitude. Et ce que dit Nietzsche, c'est que la connaissance est une conséquence de la protection, c'est-à-dire que le premier moteur de la connaissance, c'est la crainte. La crainte de ne pas savoir, la crainte du lendemain, la crainte d'une agression. Voilà, il y a quelque chose d'animal et qu'au fond... Rapport à la connaissance, on veut connaître parce qu'on a peur. On veut connaître parce qu'on a peur. Et que si vous regardez le moindre animal susceptible d'être une proie dans la nature, la connaissance de son milieu, la connaissance des bruits, des mouvements, des distances, des possibilités de s'échapper, la connaissance animale est une connaissance fondamentalement structurée à partir de la crainte ou de la prédation, ce qui serait aussi extrêmement nietzschéen. En tout cas, ce que dit Nietzsche, et il travaille beaucoup sur la notion de crainte, notamment dans Aurore, c'est que la crainte est le premier moteur de la connaissance. Le deuxième, au fond, qui se déplie à partir de la crainte, c'est la volonté de maîtrise. Et que connaître, c'est, au fond, s'approprier le monde. Mais s'approprier le monde de telle sorte que ce soit un rapport viable au milieu, j'allais dire, au milieu qu'est le monde. Et que cette viabilité passe par tout un tas de simplifications, voire, dit Nietzsche, de falsifications, qui font que notre premier rapport, notre point de vue sur le monde est toujours, au fond, utilitariste, lié à ce dont nous avons besoin. Jusqu'à la logique, jusqu'aux sciences, jusqu'aux méthodes scientifiques, on reviendra peut-être sur les méthodes scientifiques, justement pour distinguer conviction et certitude, puisque Nietzsche le fera aussi, mais en tout cas les premiers moteurs du savoir-savoir, hein, comment l'homme apprend-il à savoir, ce premier moteur est utilitaire et il y va de la survie. Alors, il y va évidemment de la survie pour un animal, c'est très clair, mais il y va aussi de la survie psychique, c'est-à-dire que l'homme est cet animal qui est inquiet de son destin, inquiet de son devenir, inquiet des effets d'extériorité. Et évidemment, c'est une banalité de le dire, mais la religion est l'exemple même d'une vérité, et Nietzsche y mettrait des guillemets, d'une vérité, destiné à apaiser la crainte, à donner des réponses. Ça, c'est fou, parce que c'est vrai, quand on lit Nietzsche, on comprend que la grande majorité, si ce n'est la totalité des choix décisifs que l'on fait dans l'existence, sont en fait guidés par le besoin d'être rassuré. Oui, absolument. Soit le mariage, la religion, la connaissance, il ne reste pas grand-chose. Absolument, il ne reste pas grand-chose. En fait, il reste rien, j'allais dire. C'est-à-dire que cette critique de la religion qui est bien connue, apporter des réponses qui, au fond, ne sont pas fondées, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver l'existence de l'immortalité de l'âme. Nietzsche dit ce qu'on reproche à la religion, et Dieu sait s'il reproche des choses à la religion, il faut les reprocher aussi à la science et à la philosophie. Il y a toujours de l'infondé, il y a toujours au fond des sauts absolument arbitraires et j'allais dire de mauvaise foi dans les enchaînements, y compris logiques, et que le préjugé s'installe immédiatement dans tout rapport de connaissance. Donc ça, Nietzsche ne prétend pas, bien sûr, Nietzsche prétend démasquer les préjugés, mais il prétend surtout montrer que nous n'avons pas le choix. Et c'est au fond ça, sa remise en question de la vérité ou de la certitude, c'est que de toute façon, comment dire, il n'y a pas de vérité, mais il y a de l'erreur. C'est-à-dire que il n'y a pas de connaissance qui ne soit erronée. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais le tout, c'est de le savoir. Et c'est ça qui conduira, on y reviendra peut-être, à cette notion de perspectivisme et de multiplicité des perspectives, c'est-à-dire des points de vue. Nous ne connaissons pas les choses en soi, au point que Nietzsche dira, l'idée même de choses en soi, de cet objet que nous pourrions connaître tel qu'en lui-même, cette idée-là est absolument absurde. C'est nul et non avenu. On n'a plus besoin. Et comment fait-on pour vivre sans cette idée de vérité validée par la connaissance ou par l'expérience? C'est toute la question. Alors pour aller plus loin, on va écouter l'extrait d'Hamlet, puisque Nietzsche fait directement référence dans le paragraphe où se trouve cette phrase. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Pour rappel, pour mémoire, le spectre du roi est venu annoncer à Hamlet que c'était son propre frère Claudius qui l'avait assassiné, qu'il avait commis l'adultère avec sa femme Gertrude. Il va demander à Hamlet de le venger. Hamlet feint de devenir fou pour s'en sortir. Et en fait, tout le sens du monologue que vous allez entendre est bien de savoir comment faire pour assumer la vérité, y compris dans ce cas-là de plus fou. C'est toute l'ambiguïté extraordinaire de ce monologue. Voici donc un court extrait du texte de Nietzsche et puis le monologue d'Hamlet interprété par Claude Riche. Comprend-on vraiment Hamlet ? Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Voilà qui ne va plus. Les rêves à venir dans ce sommeil de mort, quand nous avons dépouillé notre enveloppe mortelle, voilà de quoi hésiter. Voilà le doute qui donne au malheur une si longue vie. Sinon, qui supporterait les injures et les brimades du temps, l'oppresseur et ses torts, l'orgueilleux et ses insultes, les peines de l'amour déçu, la loi qui traîne, les bureaux qui narguent, les rebuffades que reçoit du commun le patient mérite. Quand on peut se donner congé à soi-même avec un bout de lame mise à nu, qui voudrait de ce fardeau? Qui voudrait grogner, suer sous le poids de la vie? N'était la crainte de quelque chose après la mort? Terre inconnue d'où nul voyageur ne revient. Elle étonne la volonté et nous fait supporter ces maux que nous connaissons plutôt que fuir vers d'autres dont nous ne savons rien. C'est ainsi que la pensée fait de nous tous des lâches. C'est ainsi que le teint naturel de la résolution est terni par la pensée de pâle nuance. Les entreprises de grand élan à voir cela se dérouter perdent le nom d'action. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Dorian Astor, à qui l'on doit plusieurs ouvrages sur Nietzsche, une biographie de Nietzsche, Nietzsche, la détresse du présent, une direction de l'ouvrage du dictionnaire Nietzsche. Vous avez collaboré aussi à l'édition Pléiade des œuvres de Nietzsche. Et nous venons d'entendre l'extraordinaire interprétation par Claude Riche. C'était sur France Culture en 1972 du monologue d'Hamlet. En l'écoutant, vous me disiez, Dorian Astor, on dirait du Nietzsche. Ah oui, c'est impressionnant. Il venait nous murmurer à l'oreille ces dilemmes qui sont existentiels en réalité, qui sont d'une charge philosophique incroyable. Absolument. Je pensais à un moment à un passage de La naissance de la tragédie où Nietzsche explique que les Grecs ont inventé l'art. Et la tragédie donc, mais plus généralement ont inventé l'art pour ne pas mourir de la vérité, ça c'est une autre citation plus tardive, mais ont inventé l'art pour mettre un voile d'illusion entre le monde et eux-mêmes, et que au fond si les Grecs n'avaient pas eu l'art, ils auraient sans doute péri par de vastes suicides par compassion. Et il imagine un grand suicide collectif du peuple grec qui, ayant contemplé le fond des choses, se serait collectivement suicidé par compassion. Alors là, c'est un terme schopenhauerien, c'est-à-dire que le constat, la contemplation de la souffrance essentielle du monde nous donnerait l'envie de ne pas être né. Et ça, au fond, c'était la sagesse de Silène. Silène qui était le précepteur, j'allais dire, le compagnon de Dionysos, et qu'il va falloir toute la puissance créatrice de Dionysos pour surmonter cette morale extrêmement pessimiste. Il aurait mieux valu ne pas être né, qui est au fond aussi très, très testamentaire, qui est aussi très... Enfin, je pense à l'Ecclésiaste. Donc, il y a cette idée... Qu'on retrouve chez Hamlet, absolument, et qui est, à vrai dire, très, très, très baroque. Cette idée qu'au fond, le monde est un théâtre, mais que se passe-t-il si on va voir derrière les coulisses? Qui est-il derrière les coulisses? Et cette chose-là, que ce soit le néant, que ce soit la vérité dernière qui serait chez Schopenhauer le tragique essentiel de l'existence ou l'absurdité essentielle de l'existence. Voilà, et au fond, il y a chez Nietzsche cet arrière-fond. Chez Nietzsche, hein. Il y a une autre citation connue, « Si tu contemples l'abîme trop longtemps, l'abîme regarde en toi ». Cette idée qu'il y a chez le philosophe une quête contemplative et au fond la révélation de quelque chose qui serait... qui serait, alors non pas une vérité dernière, mais peut-être un non-sens dernier. Et Nietzsche flirte beaucoup avec le non-sens du tout. Hein, il dit souvent, la totalité n'a aucun sens. Voilà. Donc le sens, ça se crée, ça se forme, ça se constitue. J'allais dire, c'est un constructiviste. Mais en tout cas, lorsqu'on voit, par exemple, il y a des moments de vision et de révélation chez Nietzsche. Et évidemment, la vision ou la révélation la plus décisive, c'est celle de l'éternel retour. Alors, sans rentrer dans la problématique de l'éternel retour qui nous emmènerait très très loin, il est certain que dans sa vie personnelle et ensuite dans son écriture, la révélation de l'éternel retour a été un carrefour, c'est-à-dire il y a un moment de bifurcation. Et c'est ce que dit le célèbre aphorisme dont j'ai oublié le numéro du Gai Savoir, la première apparition de l'éternel retour. C'est-à-dire que si un démon te disait que tout devait revenir très exactement comme ça s'est passé, il y a deux solutions. Soit tu t'effondres, tu te roules par terre de désespoir, c'est le poids le plus lourd, c'est le titre du paragraphe, soit cela te donne une ouverture vers des possibilités légères, vers un affranchissement de l'esprit. Or, il se trouve que ces possibilités légères, qu'au fond, il n'y ait pas de vérité dernière, mais qu'il n'y ait que des expérimentations, que des perspectives possibles, c'est quelque chose que Nietzsche va formuler à propos de l'incertitude, apprendre à être incertain. Et là, c'est sans doute on va y revenir, mais ça, c'est le scepticisme très particulier de Nietzsche. Un scepticisme non pas du renoncement à je ne sais rien ou on ne peut pas savoir, mais un scepticisme courageux, risqué et expérimental. Au fond, comme sur une corde, comme un funambule au milieu d'une multiplicité de possibilités légères. Et alors, dans quelle mesure est-ce que le personnage d'Hamlet incarne ce rapport à l'existence que décrit Nietzsche ? Il me semble que c'est précisément ce savoir trop sûr dont parle Nietzsche. Une des grandes questions que se pose Nietzsche dans son œuvre tardive, c'est vraiment quelle dose de vérité est-on capable de supporter. C'est la fin du paragraphe en question où on retrouve cette phrase. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Il dit mais on doit être profond, abîme, philosophe pour sentir de la sorte. Nous avons tous peur de la vérité. La force qu'il faut à la plus puissante réalité dans la vision n'est pas seulement compatible avec la plus puissante force pour l'action, pour le monstrueux de l'action et pour le crime, elle la suppose même. Oui. Il faut avoir une sorte d'appétit pour le crime pour accepter la vérité. Oui. Oui, il y a... La quête de la vérité ne supporte aucun compromis. C'est-à-dire que, au fond, ce que dit toujours Nietzsche, c'est que dans la quête de vérité des philosophes, les philosophes mettent toujours au départ ce qu'ils entendent trouver. C'est-à-dire que, au fond, ils ne font que se confirmer. Ils ne cherchent pas vraiment. Et que la vraie quête la véritable quête de vérité serait d'être, alors non pas de vérité dernière, Nietzsche parle de la quête de vérité, du service, du dur service de la vérité. Il y a de la méthode. Il y a une méthode, j'allais dire presque concurrentielle à celle de Descartes, mais il y a une méthode nietzschéenne. Mais il se trouve que pour suivre cette méthode, il faut accepter de sacrifier ses plus chers désirs, de s'arracher à soi-même, donc y compris de changer d'avis. C'est une manière très plate de le dire, mais il y a de très beaux paragraphes dans Humain trop humain qui au fond sont une manière extrêmement profonde de dire il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc la question c'est que ce avec quoi joue Hamlet, il n'a pas le choix. Mais c'est entre et au fond Nietzsche fera exactement la même chose, mais au sens strict. C'est entre jouer à la folie pour se protéger d'une vérité trop cruelle ou sombrer dans la folie. Et que, au fond, cette révélation, mon Dieu, révélée par un spectre en plus. Hein, oui, c'est le fantôme de son père. C'est le fantôme de son père. Cette révélation est trop lourde à porter. La question d'Hamlet, c'est la question du, comme vous disiez, la question du poids. Que puis-je assumer? Au fond, il y a un désir instinctif de dormir, de mourir, de rêver peut-être, c'est-à-dire de retourner dans l'illusion. La question est de savoir si la folie, ça ce serait presque une question foucauldienne, si la folie est un voile protecteur d'illusion ou au contraire la traversée d'une réalité absolument intenable. Le signe d'une lucidité. Oui, oui. Ça. Oui. Et d'où la phrase, c'est la certitude qui rend fou. Ou est-ce que, parce que du coup, si on en revient à la phrase, c'est quand même ça. Ils disent, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Mais si c'est la lucidité de peut-être de l'absence de vérité qui fait si mal et qui fait feindre la folie, est-ce que c'est encore la certitude ici? Est-ce que c'est pas la réalité? Il faut bien voir ce qu'on entend par les termes ici. Oui, c'est là que cette phrase est très glissante, parce que. La référence à Hamlet et la fin du paragraphe que vous avez lu témoigne d'un moment chez Nietzsche, et il y en a régulièrement, d'une intuition d'avoir contemplé quelque chose de vrai. Et comme vous le dites, très vraisemblablement de l'absence de vérité, hein, de ce non-sens absolu. C'est une chose que Nietzsche assumait très très bien quand il était encore jeune et schopenhauerien, et qui revient à la fin de sa vie. C'est aussi une époque, on y reviendra peut-être, où il revient beaucoup sur le scepticisme, justement. Nietzsche craint de devenir fou. Hein, il le dit à plusieurs reprises. Et ça finira par arriver. Et bon, moi je ne veux pas faire d'interprétation romantique de cette chose-là. Je préfère toujours aplatir la folie de Nietzsche à des questions physiologiques. Peu importe, hein, on peut interpréter le physiologique évidemment. Mais il est certain en tout cas que Nietzsche a très souvent, pour ainsi dire, paniqué devant ce qu'il était en train de découvrir. Et ça arrive très régulièrement, et ça passe toujours par des arrachements. Une période très très douloureuse, c'est celle qui suit l'arrachement à Wagner au moment de Humain trop humain, et après surtout avant la rédaction d'Aurore, où vraiment s'ouvre quelque chose, vraiment s'ouvre la constitution de la volonté de puissance, de la démarche généalogique. C'est vraiment sonder les abîmes. Il y a un très grand courage intellectuel de Nietzsche. Et surtout, Nietzsche recherche, ça il le dit dès Humain trop humain, il recherche une froideur, une espèce d'objectivité. On serait étonné de voir les occurrences du terme d'objectivité chez Nietzsche. Alors non pas objectivité de l'objet dans l'illusion selon laquelle on pourrait connaître l'objet tel qu'en lui-même, mais d'objectivité, c'est-à-dire d'absence de passion. Et pour s'arracher à sa passion, c'est une mutilation terrible. Et il dit que dans Humain trop humain, Nietzsche dit qu'il est un être hybride entre le froid et le chaud, entre la passion et le pur intellect. Là aussi, la pure connaissance, un terme qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez Nietzsche. Et pourtant, il sent bien que la passion... Nietzsche dit l'opinion naît de la passion. Toute opinion vient d'une passion, c'est-à-dire d'une pulsion, d'un affect. Et que c'est la paresse qui fige les opinions en conviction. Bon. Donc, il y a, encore une fois, vous sentez sans doute, Adèle, que moi-même, je suis un peu comme un funambule entre une certitude de ce qui a été contemplé, de l'abîme contemplé par Nietzsche, et par ailleurs, cette démarche critique très très forte qui réduit ou déplace la notion de certitude, de première certitude au sens cartésien, en un besoin de certitude, qui là même ouvre des abîmes. Et là, on arrive à une autre dimension de la certitude, c'est-à-dire d'illusion de certitude, c'est-à-dire que la certitude est une croyance comme une autre. Pour Nietzsche, être certain, c'est croire en une vérité absolue. Ça, il le dit dans Humatrop Humain. Bon. Le problème des sceptiques, c'est qu'ils croient qu'on ne peut pas savoir. C'est que d'une manière ou d'une autre, lorsque Nietzsche parle de l'athéisme, il parle de la croyance en l'incroyance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Donc tout est affaire de croyance, en fait. Tout est affaire de croyance. Il y a quelque chose d'assez... Et même jusqu'à la vérité. Jungien, il n'y a pas de vérité objective, vous avez employé ce terme. L'objectivité rassure Nietzsche, c'est presque une cure, justement. Mais elle n'est pas forcément du côté de la raison, parce que pour Nietzsche, la raison est parfois du côté de l'affect, même voire même de la passion. Cette opposition ne tient pas. Et surtout donc, ce doute dans lequel il vit le fait tanguer en permanence. Vous parliez de funambulisme, hein, entre d'un côté une espèce de folie, c'est-à-dire d'absence totale et de sens et de rempart et de possibilité de guérison. Et de l'autre, la certitude à laquelle on s'accroche et qu'on ne veut pas lâcher car on la suit comme un guide. Je vous propose qu'on examine un sens de cette formule auquel peut-être les auditeurs ont pensé dès qu'ils l'ont entendu et que Nietzsche prend au sérieux. C'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Quel type de certitude pourrait rendre fou ? On en a des exemples, par exemple, dans le fanatisme. La volonté de vérité, qui nous incitera encore par séduction à nous lancer dans bien des entreprises risquées. Cette fameuse véracité dont tous les philosophes jusqu'à présent ont parlé avec respect. Que de questions cette volonté de vérité nous a déjà opposées. Quelles questions singulières, méchantes, problématiques. C'est déjà une longue histoire, et il semble pourtant qu'elle vienne à peine de débuter. Quoi d'étonnant que nous finissions même par devenir défiants, perdre patience, et tournions le dos. Impatienté. Que nous aussi, de notre côté, apprenions de ce sphinx à questionner. Qui est-ce au juste qui nous pose ici des questions? Qu'est-ce qui, en nous, au juste, veut la vérité? De fait, nous nous sommes longuement arrêtés face à la question de la cause de cette volonté, jusqu'à ce qu'enfin nous nous trouvions complètement immobilisés face à une question encore plus fondamentale. Nous interrogeâmes la valeur de cette volonté. À supposer que nous voulions la vérité, pourquoi pas plutôt la non-vérité? Et l'incertitude? Même l'ignorance? Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas le texte sur le fanatisme que nous venons d'entendre, bref, un texte qui nous permet d'arriver au fanatisme d'Ariane Astor, on va le prendre comme ça, qui explique le scepticisme de Nietzsche dont vous parlez depuis le début de l'émission, en fait, un scepticisme de force. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Nietzsche examine non pas la vérité, mais la volonté de vérité. On l'aura compris, hein, pour Nietzsche, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui importent, mais ce qui conduit à ces choses. Le besoin de connaissance comme une nécessité de se protéger. La volonté de vérité comme peut-être aussi une nécessité de se protéger ou d'avoir une espèce de guide. Le besoin de certitude comme étant l'expression d'une croyance. C'est cette fameuse méthode généalogique de Nietzsche qui consiste à s'interroger sur les causes qui conduisent à ce qui est. Ici, cette volonté de vérité. Nietzsche l'examine, mais comme un médecin examinerait un corps en réalité. Il cherche, il diagnostique la maladie à partir d'un symptôme, et c'est ainsi que se construit à la fois le paragraphe qu'on vient d'entendre et même ce qu'il écrit dans ce texte par de le bien et le mal. Hein. Finalement, la question c'est ça, mais que reste-t-il de l'incertitude et même de l'ignorance? Pourquoi ne sont-elles pas aussi enviables que la vérité? C'est une question qui, personnellement, pourrait me rendre presque folle, vraiment. Mais finalement, pourquoi avons-nous choisi la vérité? Pourquoi l'incertitude aussi a ses vertus, l'ignorance aussi? Bien sûr. Au fond, ce qu'il y a derrière la volonté de vérité, c'est, il faut bien employer le terme, la volonté de puissance. Voilà. Alors que la volonté de puissance s'articule à la crainte, ce dont nous parlions au départ. Nous parlions des proies, hein, des animaux qui étaient des proies et qui connaissaient par la nécessité de se protéger et alertés par la crainte. Mais l'homme connaissant est tout autant un prédateur. Et que vouloir la vérité, et ça, mon Dieu, Foucault le pensera de manière extraordinaire, c'est qu'au fond, la volonté de savoir est toujours liée à une volonté de puissance. Voilà. Et que la vérité est une puissance. Mais la vérité n'est pas une puissance comme elle le serait chez Platon, parce qu'elle aurait davantage d'être, parce qu'elle serait plus consistante. La vérité a une puissance à condition qu'elle devienne précisément une condition de vie. C'est-à-dire que Nietzsche dit que une vérité à ses débuts est toujours très faible. Hein, c'est une petite chose très fragile, et que peu à peu, la vérité a une histoire qui est une histoire de l'histoire de la manière dont elle s'impose. Elle s'impose et elle va s'incorporer et elle va devenir une condition de vie. Et en réalité, elle va devenir une espèce de préférence psychophysiologique fondamentale qu'on va appeler une valeur. Et Nietzsche dit la vérité est une valeur. Et c'est pour ça qu'il va poser la question de la valeur de la vérité. Alors ça veut dire quoi, c'est une valeur? C'est, elle a le prix qu'on décide de lui accorder. Elle est une condition d'existence. La vérité n'est pas un contenu de savoir, hein, et dans ce cas-là, on pourrait facilement devenir relativiste et dire chacun sa vérité. La question, c'est que la vérité est d'une valeur telle pour nos civilisations que il n'est pas vrai que chacun a sa vérité. Et que la vérité est une affaire civilisationnelle, et qu'au fond, c'est peut-être même une affaire anthropologique, que l'animal humain est cet animal dont la condition de vie est déterminée, guidée, structurée par la volonté de vérité. Donc, au fond, ce désir de connaître, hein, cette libido, comme disaient les classiques, ce désir de connaître. Nietzsche en lui-même ne l'accuse pas, au contraire. Nietzsche est un grand défenseur, notamment dans le Gai Savoir, de la passion de la connaissance. La connaissance est une passion. Bon. Et là, on évolue un peu, hein, depuis Maintrop Humain, où il sait bien que pour connaître, il faut être froid. Et peu à peu, il va assumer ce qu'il appelle cette passion nouvelle, cette passion nova, il écrit en latin, qui est la passion de la connaissance en tant qu'elle est comprise comme un désir, comme un risque, comme une condition de vie. Ce que va essayer de faire Nietzsche, et ça nous renvoie au fanatisme que vous évoquiez tout à l'heure et sur lequel nous allons revenir, c'est que si c'est une passion, si c'est une condition d'existence, cela veut dire qu'il y a notre passion de connaître elle-même doit nous conduire à d'autres possibilités d'existence, d'autres possibilités de conditions d'existence. Et la grande question civilisationnelle pratique de Nietzsche, c'est quelles seraient des conditions d'existence, ou quelle serait quelle forme de connaissance produirait des conditions d'existence qui élèveraient le type humain, l'animal homme. Pourquoi pose-t-il cette question? Parce que ça, c'est sa grande critique, hein, au fond du nihilisme, pour le dire très très vite, c'est que le rapport, les conditions de vie dans lesquelles l'homme, depuis 2500 ans au moins, se trouve dans son rapport à la vérité, ce sont des conditions morbides, maladives. Et c'est là qu'on se déplace vers cette autre dimension de la certitude comme pathologie, c'est-à-dire s'accrocher, quitte à ce que le monde périsse, hein, que périsse le monde et que soit faite la vérité, hein, fiat veritas pereat mundus. Ça fait encore plus peur en latin. Voilà. Et c'est là qu'on en vient au fanatisme que vous évoquiez. On écoute le texte. Le fanatisme est l'unique force de volonté à laquelle puissent être amenés aussi les faibles et les incertains. en tant qu'il est une espèce d'hypnotisation de l'ensemble du système sensible intellectuel au profit de l'alimentation surabondante d'une unique manière de voir et de sentir, qui domine désormais. Le chrétien l'appelle sa foi. Là où un homme parvient à la conviction fondamentale qu'on doit lui commander, il devient croyant. À l'inverse, on pourrait penser un plaisir et une force de l'autodétermination, une liberté de la volonté par lesquelles un esprit congédie toute croyance, tout désir de certitude, entraîné qu'il est à se tenir sur des cordes et des possibilités légères, et même à danser jusque sur le bord des abîmes. Un tel esprit serait l'esprit libre par excellence. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle. Le fanatisme est l'unique force de volonté à laquelle puissent être amenés aussi les faibles et les incertains. Entend, et voici la définition du fanatisme, qu'il est une espèce d'hypnotisation de l'ensemble du système sensible intellectuel au profit de l'alimentation surabondante d'une unique matière de voir et de sentir qui domine désormais. Le chrétien l'appelle sa foi. Trois lignes, très riches, très denses, Dorian Astor, qui définissent quel est le fanatisme. Et en clair, c'est l'inverse de la liberté. De la volonté, le fanatisme est celui qui est complètement soumis à une autre loi que la sienne. Oui, c'est un besoin d'obéir. Nietzsche analysera de plus en plus les processus culturels et même naturels comme configuration de force, de pulsion, d'instinct. Et au fond, la coordination, c'est pour ça que Nietzsche, au fond, parle de physiologie. La coordination, j'allais dire, organique, psychophysiologique d'un individu dépend de rapports de commandement et d'obéissance. Et que, il y a des pulsions qui sont des pulsions d'obéir. Et Nietzsche dit, il faut autant de force pour obéir que pour commander. Ce qui nous ramène au fond à cette définition très kantienne de l'autonomie. L'autonomie, c'est obéir à sa propre loi. Et ça, c'est l'équilibre, hein, la maîtrise de soi, j'allais dire, l'autonomie donc de l'individu que Nietzsche appellera complet. Or, il y a des individus, et sans doute la plupart, et surtout dans toutes les cultures structurées théologiquement, j'allais dire théocratiquement. C'est-à-dire soumise au pouvoir de Dieu, eh bien, il y a des cultures entières et des individus tout entiers qui sont structurés suivant la pulsion d'obéissance. Et que le fanatique, qui en réalité croit effectuer une puissance, et sans doute effectue-t-il une puissance, mais c'est la puissance de l'obéissance. C'est-à-dire que une seule vérité qui détermine, surdétermine tout, et qui à quoi on sacrifierait soi-même et les autres, et surtout les autres généralement, eh bien ce contenu-là vient prendre toute la place. Et ce qui est passionnant chez Nietzsche, c'est que au fond, le fanatisme, il y a des textes incroyables sur le type sacerdotal, critique des grands monothéismes, cette espèce de fanatisme du prêtre, du saint, du martyr, etc. Et ça, bon, évidemment et malheureusement, ça nous renvoie à des situations encore très actuelles. Le monde est traversé de morbidité fanatique, mais cette analyse-là aussi se donne dans des considérations extrêmement subtiles. Au fond, nous avons quelque chose en nous de naturellement dogmatique. Mais n'est-ce pas parce que il est plus facile d'être dogmatique ou d'être fanatique, même si les deux vont pas forcément de pair, que d'être incertain? Parce qu'on n'en revient pas juste à là, parce que finalement, il n'y a rien de plus difficile à admettre. Oui, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura pas. Mmh. Et donc, il est plus facile, finalement, et confortable de se réfugier dans une vérité ou une loi qui n'est pas la nôtre. Ça nous dispense C'est presque paresseux, hein, en fait, de s'accommoder soi-même oui. avec ce doute. C'est ce que dit Nietzsche, il parle de paresse d'esprit, et on pourrait aller plus loin. C'est une affaire de lâcheté. On en revient à la crainte. Ouais, alors, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir lâche. Alors ça, il faut faire la leçon à personne, on en est tous là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut aimer ? Est-ce qu'on peut aimer cet état ? Est-ce qu'on peut aimer l'incertitude ? C'est ce à quoi appelle Nietzsche. Et c'est un des plus beaux appels qu'il formule. Et c'est tout spécialement dans Le Gai Savoir. Et ça correspond à la figure de l'esprit libre. Dès la toute fin de la première partie d'Humain trop humain, justement après sa critique des convictions, qui sont des opinions figées en conviction par la paresse d'esprit, il y a je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier aphorisme de Humain trop humain qui s'appelle Le Voyageur. Et au fond, c'est cette image qu'on retrouvera dans Le Gai Savoir, c'est que le philosophe est celui qui, se détachant d'une seule conviction, d'une seule vérité, d'une certitude, prend la mer. Il quitte la terre ferme. Au fond, cette image que la certitude, c'est toujours la terre ferme. C'est ce que dit Descartes, hein. Donnez-moi un point fixe et je soulèverai le monde. C'est exactement ça. Nietzsche, et ce sera la figure de l'explorateur, de Christophe Colomb, dans Le Gai Savoir, Nietzsche prend la mer avec ce risque de faire naufrage devant l'infini. Ça, c'est la fin d'Aurore. C'est un texte qui annonce Le Gai Savoir. C'est un des gestes les plus beaux de la philosophie de Nietzsche, c'est-à-dire prendre acte qu'il y a peut-être un nombre infini de perspectives, un nombre infini de vérités. Au fond, dire qu'il n'y a pas de vérité ou dire qu'il y a une multitude de vérités, ce qui est important, c'est de désenclaver l'unicité l'unicité. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le philosophe, et Nietzsche en fera sa méthode, c'est celui qui... au fond, c'est quoi cette révélation dont nous parlions au début? C'est le multiple, c'est l'apparence. Et c'est dépasser ce soupçon que l'apparence nous cache quelque chose. Au contraire, c'est l'idée que quelque chose est caché par l'apparence, qu'on pourrait lever le voile, c'est ça qui est l'illusion. Et à partir du moment où on essaye de se couler dans l'apparence, de prendre la mer, de suivre le flux, on se multiplie. Et c'est ça le perspectivisme nietzschéen, c'est-à-dire d'expérimenter le plus de courant marin possible, le plus de lignes d'oiseaux migrateurs possibles, sont des images qu'il emploie, en réalité le plus de perspectives possibles, de tourner autour, non pas de son objet, mais de tourner, de se multiplier, de se faire le plus d'yeux possible, hein, les yeux, dit Nietzsche, un maximum de nombre d'yeux, et multiplier les perspectives. Ça, c'est le courage de l'expérimentateur. La philosophie, et c'est pour ça qu'elle sera aussi pratique, hein, expérimenter de nouvelles conditions de vie, de nouvelles manières de vivre, de penser, de sentir, implique la multiplication des points de vue possibles. Et cette chose-là, ça libère évidemment, hein, c'est la figure de l'esprit libre, mais il faut du courage et il faut prendre le risque de cette fragmentation qui fait que effectivement on peut devenir fou. L'esprit libre, le philosophe de l'avenir, court le risque de devenir fou ou d'être rattrapé par la recherche d'une terre ferme et de replonger dans le dogmatisme qui conduit toujours au fanatisme. Et au fond, Nietzsche ne manque pas de dire que les philosophes sont des fanatiques comme les autres. Mais j'entends dans ce que vous dites, et c'est pas simplement parce que vous avez dit Nietzsche prend la mer, beaucoup de points communs entre ce qu'appelle Nietzsche de ses voeux et la méthode avec laquelle il décrit ce qui est et la psychanalyse, au fond. Oula. Ce besoin de croyance, cette nécessité de se défaire du mythe, peut-être d'une identité ou d'une vérité qui serait en soi, qui n'a pas forcément une vérité. Ce travail, vous parlez de libération, de déconstruction, il y a quelque chose, il y a des échos qui sont assez forts, non? Oui, sans doute. Et c'est sans doute très, très lié à une conception largement, pas complètement, hein, il y a beaucoup de différences, mais quand même largement commune de la pulsionnalité, bien sûr. Puisqu'au fond, la première multiplicité à laquelle nous ayons affaire, c'est celle de nos pulsions. Et qu'au fond, avant même d'être confrontés aux effets d'extériorité et à la multiplicité du monde, nous sommes confrontés à une multiplicité intérieure. Alors ensuite... Après, je vous demande pas de faire une dissertation sur le lien entre les deux. Hein, j'aimais l'idée, l'hypothèse. Oui, bien sûr. En même temps, est-ce que la psychanalyse, c'est-à-dire est-ce que la psychanalyse peut se permettre de fragmenter, de multiplier, de démultiplier l'individu? C'est une question qu'on peut se poser. Nietzsche lui-même est sur deux voies à la fois, hein, celle de la fragmentation qui peut être un risque de folie, mais aussi celle de la constitution d'un individu plus complet, plus fort et plus plein, hein, c'est-à-dire d'une individuation plus forte. That you find everything that you need in me, 'cause forever is a long, long, long, long time. Be sure, my lover, 'cause it would be a sin to be hurt in love again. Teddy Pendergrass, lui, est sûr. Be Sure, c'est le titre de cette chanson. Il s'adresse à son amoureuse. Ça fait écho à l'extrait qu'on a entendu au cours de l'émission sur la demande en mariage. La boucle est bouclée. C'est certainement pas en amour que la certitude rend fou. En tout cas, Darian Astor, merci beaucoup d'être venu nous parler de Nietzsche ce matin. Merci à vous, Adèle. Je renvoie aux ouvrages sur Nietzsche que vous avez écrits, puis vous avez aussi traduit des textes de Freud, d'ailleurs, j'en profite pour l'annoncer, dont le dernier, c'est L'homme Moïse, c'est ça? L'homme Moïse et la religion paraître Christ, oui. Chez Gallimard. Merci, Darian Astor. Non. Flammarion, GF. Flammarion, c'est Nietzsche, c'est vos ouvrages sur Nietzsche, chez voilà. Gallimard. Not so bad to apologize than to go through life living a lie. So whatever you do, sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, vous nous parlez d'un truc. Eh oui, le truc dont je vais vous parler ce matin, c'est justement de truc, du truc lui-même. On dirait un mauvais quiproquo, mais c'est bien le truc, le bidule, le machin chose, le mot truc et même le concept de truc qui m'intéresse aujourd'hui. On parle beaucoup d'éléments de langage, de tics de langage, on parle moins de ces termes passe-partout qui nous sont pourtant bien utiles comme le truc donc. Déprécié, coupable d'être vague, d'être le symbole d'une pensée peu claire, ce terme tout bête qui sonne ludique et puéril regorge pourtant d'une infinité de possibles et a beaucoup plus de force qu'on ne le pense. Mais quelle force et pour dire quoi? Yeah, yeah, yeah, yeah. Il me fait faire ce dont je n'ai pas envie. Il me fait dire non quand je veux dire oui. Je suis la roi de ces mille folies. Oui, il m'a comme envoûté. Oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Yeah. Il a le truc, chantait les Gams au début des années 60. Mais on pourrait penser à bien d'autres expressions. C'est un truc de ouf, c'est pas mon truc, je pense à un truc, ça a été tout un truc. La liste est longue et pas forcément consciente de toutes ces fois où on utilise le truc comme un truc, c'est-à-dire comme une astuce, une facilité pour éviter d'avoir à trouver un terme plus adéquat. Mais il y a un usage du truc qui à chaque fois me frappe. Celui où l'on dit pour expliciter sa pensée, expliquer, faire comprendre, voire s'excuser, le truc c'est que...